Bonsoir, amateurs de musique progressive. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89,1 à Québec. Faut pas dire la virgule. 89,1. C'est peut-être plus fort que moi, fallait que je dise la virgule. Vous êtes en compagnie de Jean-François Lamarre, Marc Chaunet, France Carrier et Bruno Côté pour cette édition du 5 mai 2012. Et ce 5 mai 2012 marque les deux semaines qui restent avant la convention Terra Incognita. Et autant vous le dire, Bruno, ça peut plus. Et Bruno risque de faire des mix incomparables, mais il sera égal à lui-même. Il va nous faire ça comme faut. Il a hâte de voir Beardfish, évidemment, mais aussi Mars Holo, Alex Carpani, The Tangent, Is et Arab Inaspic. Donc, et nous aussi. Et nous aussi. Il n'est pas tout seul. On a très hâte, on est fébrile. Évidemment. Parce que Beardfish nous a faussé compagnie l'année passée, mais cette année, ils vont être là. Heureusement. On touche du bois, on l'a entendu, hein? Non, on touche pas du bois parce qu'ils vont être là. Ils vont être là, c'est sûr. Non, il n'y a pas de doute. Moi, j'entends des gens qui me disent ouais, ils touchent pas d'être là l'année passée, mais là, on ne sait pas. Non, ils vont être là. Ils vont être là, c'est sûr. Et ils vont être là ce soir aussi. On va entendre une pièce extraite de leur album Mammouth. Mais avant ça, on a plein de nouveautés et de choses, disons, plus classiques. Dont un groupe qui s'appelle Musica Ficta. Je ne sais pas si tu connais un groupe d'Israël. Non. Toi, France? Oui. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas où tu as entendu ça. c'est un bon groupe. Qu'on pourrait qualifier un petit peu de genre IQ, qui sonne un petit peu IQ. Je vois que c'est la même étiquette que Sanhedrin, qui est un excellent groupe aussi oui, c'est un bon de label. La Grèce. C'est un bon label italien. Il y avait aussi Conqueror qui était là-dessus, qui était vraiment extraordinaire. Il y a plein de groupes extraordinaires qu'on retrouve là-dessus. Et pour dire, nous sommes dans une période d'abondance terrible ces temps-ci. Van de Graaff Generator qui est en vente aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, pour les gens qui ne sont pas au courant. On va avoir Van de Graaff Generator au Palais Montcalm le 2 juillet. Ben oui, c'est tout à fait extraordinaire au Palais Montcalm dans des conditions optimales. Mais on va se contenir un peu, là, puis on va écouter un petit peu de musique. Donc on y va avec Musica Ficta. On va entendre Beardfish et ce sera suivi d'Abrect Names. Yeah, man. מדברים את הכל מבפנים משאלות לבך יתממשו לא יהיו עוד פחדים כל אותם הדברים שהופכים מפלצות לאנשים רגילים It's not for me I don't need any of this in order to feel free A smile hides my desire underneath I'm burning My insides are on fire twisting and turning of all in you born to blindly follow, to never ever ask why. It seems dangerous to indoctrinate a daily dose of hate. Who's your prophet when you're marching off to war? Don't believe you're doing it for him. Think about where the orders came from. I wanna know. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Pourquoi changer tout le temps? Le déodorant, la pâte à dents, changer pour faire changement, ça sert à qui, ça? On s'en sort pas. Il faut changer, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Docile par habitude. Va-t-on subir silencieusement l'omniprésence de cette triste rectitude? Il faisait beau cet après-midi-là. Je me balançais dans ma tête de petit enfant, respirant profondément, rassuré que dans le tas, il y a des choses qui changent pas. L'opineur du chef est diffusé tous les jeudis soirs entre 20h et 22h sur CKRL. Bon, programmation d'été. Qu'est-ce que j'écris pour inviter les gens à soumettre des projets? Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances et découvertes musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2012. Hey, c'est bon, ça. Là, faut que j'explique comment faire. Rendez-vous dans la section Proposer une émission de notre site Internet et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 9 mai. C'est simple, mais ça dit ce que ça a à dire. Ah, je devrais peut-être parler des nouveaux crus aussi. CKRL est aussi à la recherche d'animateurs pour l'émission Nouveaux crus, les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. J'attends vos projets. Enter. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. Parce que nous sommes La Barberie. Parce que nous sommes. Parce que nous sommes. Parce que nous sommes La Barberie. Que nous sommes différents. Eh oui, différent certain, hein? C'est différent en tout cas comme pub. Différent comme pub, oui. Et assez différent avec Names. Hein? Je pense que tu as aimé, amateur de Vandergraff, oui. C'est sûr que la graine est là. Hein? Oui, il y a un peu d'ambiance, comme tu dis, mais ils ont vraiment. Non, j'adore leur son, Arachnamis ou Arachnamis. Il y a un accent sur le E. Oui, c'est donc, ça. Je pense qu'il faut dire Arachnamis. Hein? Mais c'est un groupe italien. Alors, on peut se permettre un peu n'importe quoi. Un petit peu macabre. Non, il y a justement un auditeur qui téléphonait il y a quelques semaines par rapport au fait qu'on avait fait jouer. Bruno avait choisi une pièce du second disque. Ça, c'était le premier. Là. Puis oui, c'est toujours bon avec Names. Effectivement, et c'est une bonne suggestion. Si vous voulez nous rejoindre en direct, c'est au 640-1586. Et vous pouvez aussi nous écrire en différé à terra_ckrl@hotmail.com. Et on est aussi disponible en podcast, donc c'est intéressant d'aller visiter le site ckrl.qc.ca. Et vous aurez les trois dernières émissions, c'est bien ça, hein, c'est les trois dernières. C'est ce que j'ai vu, oui, dans la section programmation. Cliquez sur programmation et en défilant, vous tombez sur la page d'une émission avec les... Évidemment, on peut écouter et télécharger les émissions. Ben oui, c'est intéressant. Donc, on est encore plus disponible et inutile de rappeler que Terra Incognita, c'est l'émission de musique progressive à Québec. C'est le magazine aussi consacré au progressif. Effectivement, avec un nouveau numéro qui est paru la semaine dernière, où on parle d'une longue entrevue avec Il Castello di Atlante, une autre avec Bernardo Lanzetti et aussi Accordo dei Contrari. D'ailleurs, on va en écouter une pièce. Oui, j'ai hâte d'entendre ça parce que j'ai lu l'article, ça m'a intrigué, mais j'en ai pas, donc je suis content que tu me fasses découvrir ça et qu'on partage ça avec nos auditeurs. Effectivement, et peut-être la vie de France là-dessus? Ah, moi, tout ce qui est italien, c'est mémorable pour moi. Ben, effectivement. Hein. Et surtout qu'à Cordeau des Contreries, ça fait penser un petit peu à un groupe comme... bon, c'est le fun, Blanc. Oh. Ben écoute, on va avoir l'occasion parler de pochette, savoir. Là. Mais disons, allons dans les groupes argentins avec Nexus qui sort un nouvel album. Ils sont faits assez rares dernièrement, hein, ça fait un petit bout de temps. Celui-là s'appelle Air. Et une pochette assez colorée, là, avec, on voit des un arbre en suspension. Oui, c'est un concept aussi où il y a des arbres là, un peu partout dans la pochette. Là. Je pense qu'ils sont très, très groundés sur la Terre et l'infini aussi. Effectivement. Bon, ben, on va en écouter un extrait qui s'appelle Explicazione. Et après ça, on va y aller avec L'Ombra de la Serra. Et je pense que ça fait un petit peu l'unanimité. On s'en est parlé. Je pense que France n'a pas apprécié plus qu'il faut. Et moi non plus. Et je suis content de voir qu'on n'est pas les seuls parce que L'Ombra de la Serra, c'est un projet de Fabio Zuffanti sur des films d'horreur. Des films d'horreur. Une pochette assez glauque, là. Ouais. Puis, mais c'est parce qu'ils reprennent vraiment des thèmes musicaux de films d'horreur de l'ancien temps, mais il faut reconnaître qu'il y a une partie kitsch à travers ça, là, puis c'est un peu insupportable par moment. Puis après ça, là, ça s'en va dans le gros progressif sombre. Bon, disons, on va en écouter une pièce qui est pas trop longue, donc si c'est pénible, ça sera pénible moins longtemps. Non, mais c'est y a des bons bouts, là, mais c'est qu'il y a des parties dans les pièces qui sont un peu spéciales, puis après ça, tu dis, waouh, ok, c'est, ouais, ça c'est bon, puis après ça, tu dis, oh, mais c'est quoi ce bout-là? En tout cas. Mais il y a quand même des bons moments. Et par la suite, pour terminer le bloc, là, c'est sûr que ça va être un très, très bon moment. C'est Mars Hollow, avec le très bon album World in Front of Me. La pièce titre, en fait, de cet album-là, qui est une pièce assez longue. Bon choix. Et Mars Hollow fera partie de la prochaine convention Terra Incognita pour aller voir dimanche le 20 mai prochain. Donc, on y va pour l'instant avec Nexus et l'album Air. Thank you. sa solution. Et sa simple solution, c'est que volverás al amanecer. Yo te espero en el mismo lugar. We'll be right back.

la sangribière. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Hey, nous sommes de retour. Et finalement, l'Ombra de la Serra, c'était pas si mauvais. Hein? C'était, c'était une bonne pièce, celle-là. Donc, c'est Il Señor del Comando, d'un album éponyme de l'Ombra de la Serra. Et on a terminé ça avec Mars Hollow. On avait débuté avec Nexus. Et Alex Carpani, très bon band, Alex Carpani Band, là, qui, parce qu'il faut spécifier qu'il ne sera pas tout seul, Alex Carpani. En France, je pense qu'il y a des musiciens que, qu'on connaît. Oui, Roberto le drummer, qui est l'ancien drummer de The Watch. Il fait partie du band Alex Carpani. Oui. Ben oui, c'est tout un cercle d'amis, puis le Roberto devrait être là. Il y avait eu beaucoup de collaborations là, dans Waterline. Il y avait eu Aldo qui chante comme collaborateur. Ben oui, la pièce qu'on va entendre, c'est même The Siren and the Mariner. Et c'est chanté par Aldo Tagliapietra de Yormi. Voilà. La voix angélique. Mais il y a aussi beaucoup d'autres mondes, comme Dan Shapiro, qu'on a vu un peu partout. Il y a, je dirais quasiment ressuscité, Tony Spada, qui avait commis un très, très bel album dans les années 90, début des années 90, avec beaucoup de guitare. Et il est là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu entre-temps. David Scott, bon, il y a beaucoup de monde. Ce que je trouve un petit peu étrange, c'est que je vois là, Béatrice Cassandre. Vocal on the Siren Call, mais je trouve pas cette pièce-là sur l'album. En tout cas, c'est peut-être une petite erreur. Mais je pense que lors du concert dans deux semaines, il n'y en aura pas d'erreur. Ça va être parfait. Il n'y a pas d'erreur, ça risque d'être bon. Hein? Je pense qu'il n'y a aucun risque, c'est sûr que ça va être bon. Et ben c'est une magnifique pochette. On va entendre, comme je disais, The Siren and the Mariner. Mais on va entendre aussi The Box avec l'eau, le lait, le vin d'un très bon disque qui s'appelle L'Horla de Maupassant. Et on va se gâter. Qu'est-ce qu'on va entendre d'après toi? Thundergraph ou Peter Emile. pas oui, tout de suite. Mais oui, ça va être dans ce bloc-ci en ce qui concerne Peter Emile, le nouvel album. Et juste Consequences. Ben oui. Que je trouve vraiment superbe. Là. Et histoire de t'écœurer toi et Larry, parce que je sais que vous l'aimez moins cette pièce-là. On va entendre, parce que moi je l'adore, là. On va entendre la pièce qui ouvre l'album qui s'appelle Eat My Words, Bite My Tongue. Et, mais avant ça, on va entendre aussi After Crying, Gorumba. Et le groupe italien que je cherchais tantôt, c'est DFA, parce que Accordo dei Contrari me fait penser un petit peu à DFA, parce que c'est un genre jazz rock. Duty Free Area. Le... Qu'on ne sait pas si on va revoir, parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle. Hein? France avait trouvé ça sur Internet. Un décès. Le décès du clavieriste. Ben oui. Bon, on ne sait pas si le groupe va se remettre sur pied. On l'espère énormément. On avait eu l'occasion de les voir au NIRFES puis au FMPM. Mm-hmm. Ah, des gars extrêmement sympathiques en plus. Mm. Il y a quelques groupies qui en ont profité. Qu'on nommera pas, évidemment. Bon, trêve de bavardage. On y va avec Alex Carpani et toute la suite que j'ai énumérée tout à l'heure. Thank you. colpi di luce, io perdo il mio cuore, mi sento una foglia perduta nel mare. Somnambule, on a encore bu l'eau de ma carafe cette nuit. Car si ce n'est moi, alors qui, ou plutôt quoi? Je vais tenter quelques épreuves, alors peut-être. Avant de me coucher, j'ai placé sur ma table de l'eau, du lait, du vin, quelques fraises et du pain. Le lait et l'eau avaient disparu le lendemain. On n'a touché ni aux fraises, ni au pain, ni au vin. J'éprouve un profond dégoût pour le lait, alors que j'aime tant les fraises et bien sûr le bon vin. Cette nuit, je pousserai l'exercice un peu plus loin. Je ne saurais être le jouet de pareille diablerie. Je couvris les carafes de mousseline blanche, puis me frottai mains et lèvres à la mine de plomb. J'attendis longuement le sommeil illusif, dans l'appréhension d'être à nouveau la proie de ce cauchemar. We'll be right back. souffle court, cherchant à deviner qui comprendra le désarroi d'un pauvre bougre épouvanté devant le simple fait d'un prénom disparu la nuit. We'll be right back. not to utter a word. No shot from the hip. You might say something appalling. A confidence tripped off the tongue. Better to keep the mouth zipped. Your silence preserved. Go through the night with your lips sealed. For truth is best served by discretion. Best to refrain, don't excuse or explain. No, engage that dull brain before speaking. For once to my own advice, I should have paid attention. I was so eager to have my say. I fell in love with the sound of my own damn voice. Never thought how offensive a line might seem. If taken out of context, my best intentions all fall away. And it's no laughing matter. Now I compact that Jabberwock back in the box. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Stout Impérial.

C'était Love is What I'm Waiting For du groupe Flying Colors que j'ai remplacé dans ma programmation. C'est ce qui a remplacé en fait à Cordeau des Contreries pour une question de durée et de petites annonces. Donc ça ressemble beaucoup à Queen, hein? Je pense qu'on s'entend. Oui, c'est dessus, dans l'esprit, hein? Oui. Hein, la guitare, on dirait Brian May. Et ben comme on se jasait un petit peu en coulisses, c'est so-so. Tant qu'à moi, là, c'est. Il y a des gros noms. Il y a Neil Morse là-dessus, Dave Larue, Mike Portnoy. En fait, c'est lui le chef du projet. Ouais. Ben oui, Steve Morse et un chanteur, Casey McPherson, qu'on connaît moins. Mais c'est pas quelque chose que je vous conseillerais. Par contre, ce qui a précédé Peter Emil, Consequences, ça c'est hautement à conseiller aux amateurs de Peter Emil et de Van der Graaff. Et juste avant ça, on avait After Crying dans une pièce endiablée qui s'appelle Gorumba et The Box juste avant L'eau, le lait, le vin. Et on avait débuté avec Alex Carpani qu'on retrouvera à la convention Terra Incognita. Et c'est déjà le dernier bloc malheureusement pour les amateurs, mais si vous voulez réécouter tout ça, ben, c'est disponible en podcast. Simplement aller sur le site ckrl.qc.ca. Et là, une nouveauté qui n'est pas tout à fait nouvelle parce que Michel en a fait jouer la semaine dernière. C'est le nouveau Galade. Ben oui. Et bon, Galade, qui est toujours en forme, hein, avec une pochette quand même assez intéressante. Une belle grosse cicatrice. Ben oui. Et de la nouvelle musique qui est pleine d'énergie. Ben, il faut dire que l'album ça s'intitule Battle Scars, ce qui veut dire les cicatrices de bataille ou de guerre, si on veut. Là, mais... Ben oui. Et bon, Galade... Il y a beaucoup d'énergie là-dessus. Et comme on se disait, ben je pense que des fois, le groupe se répète un petit peu. Je pense qu'on va l'entendre sur cette pièce-là qui s'appelle Bitter and Twisted. Et on sent des petits airs d'Emperor Neverless, mais je pense que ça fait une belle suite à cet album-là. C'est leur son, oui, c'est ça. C'est leur style. Parce que tu en penses, France, là, on l'écoute une couple de fois. Oui. Mm-hmm. D'accord avec ça? Oui, d'accord avec ça. C'est une continuité d'Imperial ouais. Neverlast. Ouais. Et on va suivre ça avec Locanda d'Elefate qui avait fait un disque absolument extraordinaire dans les années 70. Et ça, c'est des pièces qui avaient été oubliées de ces sessions-là. Ça s'appelle The Missing Fireflies. Et ça, franchement, ça t'avait plu pas mal quand on avait écouté ça. Je vois le téléphone qui sonne. Et on va y aller aussi avec Van der Graaff Generator de leur dernier album. On va entendre Snake Oil. Et finalement, on aura Accordo des Contreries. Donc, on y va en musique et on revient un peu plus tard. Non, je riais parce que j'ai vu galère. Bitter and twisted, so sad and beautiful.

doesn't make no sense. Anal retention to an astounding degree. Self-absorption is total, making a basis compulsory. If they want to reach the inner mystery. Welcome to the maps in the belfry. The buzzwords echo around, repeated ad infinitum. Brainwashed and bound to believe in the orthodox text. Slogans on t-shirts, the punters can't wait to be told what to think of next. What to think of next? Oh, what's coming next? Well, nothing is coming. Underground avec Snake Oil. Et c'est déjà tout pour l'émission Terrain Incognita. Merci aux auditeurs d'avoir été là. Je vous rappelle que l'émission est disponible en podcast sur le site de CKRL et vous pouvez également avoir la playlist sur le site de Terrain Incognita avec un lien sur le site de CKRL. Merci à France pour les commentaires. Merci à Marc. Et surtout, merci à Bruno pour les excellents mix et pour toujours nous ramener à l'ordre. On termine avec un petit extrait de Acordo des Contraries. Bonne semaine à tous.